vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mouron. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, Aïli, Aïla. Pour becter, on nous met à l'aise. C'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton. J'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles. Les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, Aïli, Aïla. Hier, j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et 3 canines au Père Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion, il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu, barbouillé de confiture. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, Aïli, Aïla. Pour se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules personnes y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, Aïli, Aïla. Je vous envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qui a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance. On nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa.